pouvoir. Je peux attendre. Je ne peux pas attendre. Vous pouvez commencer. Vous ne pouvez pas commencer. Il peut payer. Il ne peut pas payer. Nous pouvons continuer. Nous ne pouvons pas continuer.